Bonjour, c'est Michel Monnette au micro pour l'émission Les Oreilles ailleurs du 19 octobre 2014. Tout juste avant que le thème de l'émission débute, on entendait les Hey Baby, c'était une belle transition avec les routes enchantées de tantôt. J'étais en studio et j'entendais la dernière pièce et je me disais, oh, il y a comme un lien avec l'émission d'aujourd'hui, Les Oreilles ailleurs. Parce que ça me faisait penser à la musique bavaroise, tout simplement, c'est ça le lien. En fait, c'est pas du tout la musique bavaroise que je vais faire jouer, mais c'est de la musique allemande, par contre. Toute l'émission va être consacrée à aux artistes allemands. On va débuter ça avec trois chansons tirées d'un album double paru en août dernier, A Tribute to Nils Koprock, plus Fink. Un album double, c'est deux CD. Nils Koprock a été de 1996 à 2006 le leader et le chanteur du groupe Fink. Il écrivait la musique et les textes de ce groupe. Il jouait de la guitare, du banjo, de l'harmonica. Il a aussi dirigé une petite galerie, une galerie qui s'appelait Nieu. C'était un artiste, c'était un peintre. Au début de l'année 2000, il décide de se consacrer intensivement à une collaboration avec Gisbert Zu Nyfossen. Et c'est l'album 1, un album qui est sorti en octobre 2012. Nils Koprock est décédé le 10 octobre 2012 à Hambourg à l'âge de 46 ans. Il était très jeune, mais c'était un chanteur, auteur, compositeur allemand très apprécié par... ses consoeurs, ses confrères de la musique, de la chanson. Il y a Bernadette Lahens qui a repris Vilek de lui. Il y a Nils Frever, As Einar Einmal Nick Kahn et Désiré Clarkens de Warm in Meinen Herz qu'on va entendre. Les trois pièces qu'on va entendre, c'est celle-là. Lahens est une chanteuse, mais aussi une femme très, très engagée, une féministe très engagée en Allemagne. Elle l'a même engagée au point où elle a décidé de carrément se faire la productrice de groupes de filles allemandes. Ça, elle a fait ça de 1998 à 2001. Et enfin, elle a fait du théâtre aussi, très impliqué, très engagé. Nils Frever, c'est un chanteur, compositeur, qui a d'abord débuté avec National Gallery. C'était un des premiers groupes National Gallery à chanter uniquement en allemand. Ce qui était tout à fait nouveau à l'époque. On parle de la fin des années 90 parce que les groupes allemands, en tout cas, et même plusieurs chanteurs, chanteuses allemands avaient l'habitude de chanter plutôt en anglais. Il y a une amie d'ailleurs, allemande, qui est au Québec actuellement, qui me disait l'an passé que c'était nouveau ça. C'est le fait que des chanteurs, des chanteuses, des groupes allemands, de plus en plus, vont décider de chanter dans leur langue. Et en fait, Désiré Clarkens, pouvait lire d'elle dans le grand quotidien allemand Spiegel qu'elle a quelque chose de spécial. Il y a Die Welt aussi, un des trois plus grands quotidiens allemands qui écrivait de son album lancé en janvier dernier, Wenn die Nacht den Tag Verdeck, qui s'agit d'un premier album remarquable. Donc sa carrière débute plutôt bien. On va écouter donc ces trois premières pièces et ensuite je vous reviens avec Max Prosa. Thank you. Zwischen all den Leuten hier stehst du und siehst aus, als könntest du aus guten Gründen nicht zurück nach Haus, weil irgendwas geschehen ist oder irgendwas geschieht. Warum bist du hier und wohin wirst du gehen? Irgendwo hab ich dich schon gesehen. Oh. Ich sitze hier und sehe im Schatten dein Profil. Von meinem Platz aus könnte ich dein Haar ganz leicht berühren. Nur um zu sehen, wie das ist, nur um es anzufühlen. Und vielleicht drehst du dein Gesicht und vielleicht erkennst du mich und vielleicht verliebst du dich in mich. Irgendwie ist dein Gesicht das Hübscheste der Stadt. Ich wünschte, ich könnte dir einen Platz anbieten, der direkt bei meinem ist, dann könnten wir hier sitzen. Und vielleicht würde was geschehen und vielleicht würdest du verstehen und vielleicht würden wir noch zu dir gehen. Oh. Dein Geruch, glänzen deine Augen auch so bei Tageslicht? Und bist du verliebt oder gerade unglücklich? Vielleicht doch nicht. Oh, oh. Ich hab mir sein Gesicht auf einem Zettel aufgemalt und ihn angetippt und ihn gefragt, ob er nicht vielleicht meinen Hocker haben will. Hm? Vielleicht willst du meinen Platz, naja, ich muss jetzt gehen. Vielleicht ist das besser als zu stehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fast mal einen getroffen, erzählte dann da, wie er einmal nicht kam. Als einer einmal nicht kam, auf den niemand gewartet hatte, saßen wir einfach nur da, saßen wir einfach nur da. Ruhig ehrlich mit mir sein, schenk ihn mir ein, den reinen Wein. Ich warte, bis die Sonne aufgeht, und dann warte ich, bis es dunkel wird, und dieser Tag zieht mich woanders hin, und du bist da, wo ich nicht bin. Mir ein Herz und schreib alles auf, während ich alle Schritte rückwärts laufe. Es wird wieder warm in meinem Herz. Es wird wieder warm in meinem Herz. Es wird wieder warm in meinem Herz. Warm in meinem Herz. Sicher sein, ich lass dich nicht im Stich. Und wenn das jetzt so aussieht, und wenn das jetzt so aussieht, und wenn das jetzt so aussieht, auch nicht allein. Alles, was rund war, wird eckig. Und alles, was glatt ist, tut weh. Und alles, was da war, ist weit weg. Und alles, was da ist, ist weit weg. Und es tut weh. Ich hab bezahlt. Ich hab bezahlt. Du fühlst dich besser. Ich hab bezahlt. Es ist mein Stolz. Ich hab bezahlt. Ich steh vor deiner Tür und verjag die Wölfe mit meinem Messer. Ich hab auf dich gewartet. Allein in der Nacht. Ich hab ein Feuer vor deiner Tür gemacht. Wolf ist sein Hund. Und alles, was krank war, wird wieder gesund. Du kannst ruhig ehrlich mit mir sein. Schenk ihn mir ein, den reinen Wein. Ich warte, bis die Sonne aufgeht, und dann warte ich, bis es dunkel wird, und dieser Tag zieht mich woanders hin, und du bist da, wo ich nicht bin. Je dois vous confesser une erreur. La dernière pièce, celle de Désiré Cloekens, Warm in Meinem Herz, n'est pas dans l'album A Tribute to Nils Koprock plus Fink. Excellent album au demeurant, je vous le conseille fortement. Il est vraiment bon cet album, c'est un album double. La pièce de Désiré Cloekens, c'est plutôt tirée de son album qu'elle vient de sortir, Wein de Nack, Den Tag Verdict. C'est son premier album, c'est celui-là dont je vous disais tantôt qu'il est considéré comme un album remarquable par Die Welt, un des trois grands quotidiens allemands. C'est donc la relève, c'est donc une chanteuse émergente en Allemagne. Il y a Max Prosa aussi qui est émergent, un peu plus avancé que Désiré Cloekens, mais quand même, en 2012, il était consacré comme le chanteur de l'année en Allemagne. Et c'est un auteur-compositeur qui aime bien écrire des paroles qui vont au-delà de simplement des petites choses toutes simples qu'on entend habituellement dans les chansons. Beaucoup de mélancolie, beaucoup de poésie, beaucoup d'arrangements musicaux aussi dans ce qu'il fait Max Prosa. Intéressant de le suivre, intéressant de l'écouter. On va l'entendre dans Der Clown. Der Clown, c'est une chanson c'est une chanson qui paraît dans l'album Rangoon. Tiens, nous en parlerons un petit peu plus par la suite. On l'écoute. Die Vorstellung beginnt, im Herzen sind wir Kind. Der Kopf spielt Akrobat, wünscht sich viel Applaus, macht ein Salto und rutscht aus. Interessierte Menschen springen, wenn Domteure Peitschen schwingen, Schwindler sitzen auf dem Thron. Jede Bestie, die's erkennt, wartet auf ihren Moment. Und der Clown ist jetzt der Held dieser schönen neuen Welt. Wenn er tut, was euch gefällt, auch kein Dank, will bloß das Geld. Ich bin hier nur der Hund, der trotzig bellt. Ein Räderwerk rotiert, ein dünner Mann, er balanciert die ganze lange Show. Dann fällt er still hinab. Dieser Zirkus ist sein Grab. Die große Nummer wird gemacht, auch wenn der ganze Zirkus kracht. Schadenfrohe Sensation. Nun tritt ein Feuerteufel auf und schon bricht Panik aus. Jetzt der Held an dieser schönen neuen Welt. Wenn er tut, was euch gefällt, braucht kein Dank, will bloß das Geld. Ich bin hier nur der Hund, der trotzig bellt. We'll be right back. aus Julia auf dem Seil und der Engel mit dem Pfeil trifft das Herz von Romeo. Sie bleibt kalt, er hängt sich auf und nun donnert der Blau. Ja, der Clown ist jetzt der Held dieser schönen neuen Welt, denn er tut, was euch gefällt. Ja, er tut, was euch gefällt. Braucht kein Dank, will bloß das Geld. Ich bin hier nur der Hund, der trotzig bellt. Voilà, c'était Der Clown de l'album Rangoon. C'est un album qui est paru en 2013. Je vous ai dit tantôt, je vous en parlerai un peu plus après la pièce parce que j'avais complètement oublié l'année de parution de l'album. Donc, c'est tout récent, 2013, Rangoon. On va écouter maintenant Wir sind Helden et ça va être suivi aussi de Andrea Schröder. Wir sind Helden, c'est un véritable phénomène en Allemagne. Même la chanteuse Nina n'hésite pas à porter les t-shirts Wir sind Helden. Helden, c'est un groupe qui s'est fait connaître en se classant dans les meilleures ventes en Allemagne en 2002 avec le single Guten Tag. C'est Judith Holofern qui a formé ce groupe. Judith Holofern, j'avais déjà fait jouer des choses d'elle à l'émission Les Oreilles Ailleurs. C'est elle qui a formé ce groupe au début des années 2000. On va écouter de Nur ein Wort. Ensuite, Andrea Schröder, qui est une chanteuse folk et qui a repris une pièce de David Bowie. Selon le Rolling Stone magazine, c'est une des meilleures reprises de cette pièce. Et la pièce, c'est Heroes de David Bowie. Et en allemand, ça donne Helden. On écoute donc Nur ein Wort de Wir sind Helden, suivi de Helden de Andrea Schröder. Ich fühle, dass du

Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto au cèpe, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Faites aussi devenir ami Facebook de CKRL. Vous vous rendez sur Facebook et vous cherchez CKRL, tout simplement. Vous pouvez devenir ami aussi de l'émission Les Oreilles Ailleurs, l'émission que vous écoutez en ce moment. C'est Michel Monette au micro. Et vous vous rendez toujours sur Facebook et vous cherchez Les Oreilles Ailleurs, ou bien vous vous rendez sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, et de là, vous allez avoir accès à la page Facebook, au compte Twitter. Vous pouvez aussi vous rendre dans la programmation de CKRL sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, et chercher Les Oreilles Ailleurs, et vous allez avoir des liens vers tous les endroits que je viens de vous nommer. Et entre autres, vous aurez l'ensemble des les noms et les pièces des que je vous ai fait jouer, les noms des chanteurs, des chanteuses, et des groupes, et aussi des pièces que je vous fais jouer, que je vous ai fait jouer aujourd'hui et dans les semaines précédentes, mais aussi le podcast, la version audio de l'émission est archivée sur lesoreilles.net, et aussi les trois dernières émissions sur le site CKRL. Gerd Köster, Frank Hocker et Helmut Krumminga roulent leur bosse depuis passablement d'années en Allemagne. Ils ont sorti un album en 2013 qui s'appelle Trois Cool Fadze. Köster, Hocker, Krumminga. On va les entendre dans la chanson Jail Welt. Ensuite, on va écouter Carsten Klatt. Carsten Klatt, c'est quelqu'un qui a débuté au début des années 90. Il avait, à ce moment-là, il donnait des spectacles sous le nom de La Casa del Cid. C'était son nom, c'était son nom d'artiste à l'époque. Mais il a aussi collaboré avec beaucoup d'artistes de groupes allemands aussi, comme Project Pitchfork, un des groupes les plus populaires du dark wave germanique, mais aussi Wolfsheim, Peter Heppner ou Heinz Tursen des Neubauten. Vous savez, ce groupe dont je vous parle de temps à autre ici à l'émission Les Oreilles Ailleurs. Un groupe qui joue de la musique du rock industriel, qui jouait du rock industriel. On va l'écouter dans une pièce qui s'appelle Nulik auf den Dach, Carsten Klatt. Ça, c'est tiré de l'album Déserteur. C'est un album qui est paru en 2013, tout comme le premier album dont on va écouter la pièce Jail Welt. Schwimmen up that song for months. Lost the duvel, duvels in. All the fluff und Sprengerin. War denn jede Welt? War denn jede Welt? Du saß immer in der Eck. Ich hatt gedacht, du bist jetzt leck. Plötzlich küsst du uns die Rose und verzählst, werd mich an Jörg. War denn die heile Welt? War denn die heile Welt? War denn die heile Welt? War denn die heile Welt? Ne schwarze Audi klebt am Eck. Ich denk Bremse oder weg. Heraus schreit an mir vorbei, vorbei, vorbei. Und im Radio läuft zerstört das Liedchen All You Need Is Love. Grüß mir die nächste rote Ampel, sag hier sehen. Neuer Raum entsteht. Machst es dir im Himmelszelt bequem und lebst nun auf dem Dach der Welt. Bist als Kind schon in den Zaubertrank gefallen. Hattest es gut und verdirbst es dir mit allem. Bist dem Heer der Göttin mentale Feuerwehr. Warst auch mal in einer Krise, aber das ist schon lange her. sitzt an jeden Abend an der gleichen Stelle. Findest dich da wieder von noch einem Tag davor. Findest es frech, dass du nicht mal weggehst und lässt es zu und gehst wie ein Schleier, der vor deinen Augen fällt. Erkennst du dich selbst im großen Spiel als den Regisseur und als die Requisite zwischen Formen und Elektrolyte? Zeit ein neuer Raum entsteht. Machst es dir bequem und lebst nun auf dem Dach der Welt. Je vous ai dit en tout début d'émission que les Allemands chantaient de plus en plus dans leur langue. Bon, pendant une certaine période, les chanteurs, les groupes avaient plutôt tendance à chanter en anglais. Encore beaucoup de groupes, beaucoup de chanteurs qui le font, chanteuses qui le font en anglais, mais de plus en plus, la relève, ceux qui arrivent sur le marché le font en allemand. Mais il y a pas qu'en Allemagne qu'il y a des Allemands, vous le savez sûrement, cher auditeur. Il y a aussi en Autriche, évidemment, et il y a en Suisse. Et on va terminer cette émission avec une chanteuse que j'aime beaucoup, Sophie Unger. Sophie Unger compose elle-même la plupart de ses chansons, soit en anglais, soit en suisse-allemand, soit carrément en allemand. Donc, il y a une différence entre le suisse-allemand et l'allemand. Elle joue également de la guitare acoustique, mais aussi de la guitare électrique. Elle joue du piano, elle joue de l'harmonica. On peut dire qu'elle a été véritablement lancée fin 2006 en Suisse romande. Et ils ont donné un concert dans le cadre du Montreux Jazz Festival en 2008 et ça a été vraiment remarqué ce concert qu'ils ont donné. Elle a proposé par la suite en octobre 2008 un album studio Monday's Ghost qui a été produit dans son salon, produit avec Marcello Guigliani, suivi d'une tournée. Et par la suite, tout s'est enchaîné. On va écouter d'elle une première pièce de l'album Monday's Ghost, justement, qui s'appelle Walzer für Niemann. Et par la suite, on va écouter deux pièces de l'album de Danger of Light, un album qui est paru, lui, en 2012. Et finalement, une pièce de l'album The Rules of Fire, qui est paru en 2013. The Rules of Fire, c'est aussi un documentaire qui est paru en décembre 2013, un documentaire qui la suit dans la tournée qu'elle fait en Europe à ce moment-là. J'ai pas vu le documentaire au complet, j'ai vu seulement des previews, pour parler en bon québécois. Seulement un extrait donc du documentaire, ça me semble fort intéressant. Je me promets de mettre la main sur ce documentaire éventuellement. Quoi qu'il en soit, l'album The Rose of Fire est très bon, est vraiment très bon. Elle chante en anglais, en allemand, en français aussi sur cet album. Donc, Walzer für Niemann d'abord de l'album Monday's Ghost, ensuite, et Arun de l'album The Danger of Light, un album paru en 2012 alors que le premier était paru en 2008. Et finalement, Das New, de l'album The Rules of Fire, un album paru en 2013. Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand unters Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wär ich geworden, gäb es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört. You will honor your desire. there's no water. Der Mann ist die neue Frau. Freiheit ist das neue Gefängnis. Reich ist das neue Schlau. Islam ist die neue katholische Kirche und Deutschland die neue Türkei. Die Schweiz schon bald im Siebengebirge und jetzt ist das neue vorbei. Nicht mehr. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin mit dir. Und wenn du bald nach Hause kommst, dann bin ich nicht mehr hier. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin mit Gesundheit ist ein neuer Exorzismus, la fatigue, c'est la nouvelle folie. Nichtraucher sind die neuen Raucher. Alte fühlen sich neu, mein Junge. Intellektuell ist neu, völlig unbrauchbar. Frei zum Bestehen ist neu, so wie Hohn mir drum. Wenn du mal nach Hause kommst, dann bin ich nicht mehr hier. Such nicht mehr nach mir. Ich kann nicht. ich bleibe, wo ich bin, trotz dir. Voilà, c'est sur ces applaudissements qu'on se laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Mon nom est Michel Monnette et c'était l'émission Les Oreilles Ailleurs. On va donc se retrouver la semaine prochaine. Et maintenant, c'est Topic du Capricorne avec notre ami Michel Bonaparte qui suit tout de suite après la pause publicitaire. Au revoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 CKRL. Méfiez-vous des barbiers qui rasent d'un peu trop près. Du 28 octobre au 8 novembre, Décibel, en collaboration avec Juste pour rire, présente au Capitole le thriller musical Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Première mondiale en français du classique de Broadway, mettant en vedette Renaud Paradis, Cathy Julien, Jean Petitclerc et Sabrina Ferland. Merci à nos partenaires Ici Radio-Canada et Week-end 91.9. Billets en vente sur lecapitole.com. Anjou, blond, cannelle, muscade, girofle, gingembre, citrouille. Pour donner une touche spéciale à vos réunions entre amis, la Barberie vous propose la cuivrée à la citrouille. Cette bière épicée est une grande favorite. Servie en fût, sa délicate saveur plaît à tous. La cuivrée à la citrouille est disponible à la Barberie dès maintenant. Anjou, blond, cannelle, muscade, girofle. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 16 au 19 octobre, L'Œil de Poisson présente la Foire en art actuel de Québec. Une occasion de découvrir une pléiade d'artistes émergents de la capitale. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca.